Alors donc au préalable, c'est vrai que j'étais pas trop destiné à faire ce métier hein, de boulanger-pâtissier, puisque j'ai donc fait une formation de chaudronnier de base, donc en tant qu'étudiant. Et en fait, il s'est avéré que après avoir fini mon service militaire, donc j'ai eu l'opportunité donc de pouvoir reprendre donc la boulangerie familiale hein, qui était un petit peu en sommeil. Hein, suite à des incidents donc, de santé donc, de mes parents. Donc, j'ai repris cette affaire donc, en fait en 81. Donc j'ai dû me former donc, pendant un an, deux ans, en complément donc, de la formation familiale donc, sur le CFA de Ploufragan, donc, puisqu'à l'époque la formation continue se faisait uniquement sur Saint-Brieuc. Donc j'ai passé mes CAP de boulanger et de pâtissier donc, dans les deux années qui ont suivi donc, en candidat libre. Et j'ai donc pu m'installer dans le métier véritablement donc en 83. D'accord. Voilà, suite à ça, donc il a fallu donc développer bien sûr l'affaire, qui était une petite boulangerie rurale, hein, donc avec la multitude de métiers que cela comportait à l'époque, à savoir le courtage en légumes, en porc. Cette activité s'est rapidement terminée vers les années 85. J'ai dû donc renforcer mon activité de boulangerie pour pouvoir assurer la pérennité du commerce, quoi. Donc ceci s'est fait à travers tout d'abord développement de produits, hein, parce qu'à l'époque c'était une boulangerie simple, sans pâtisserie. Donc j'ai rajouté la pâtisserie à partir de 85-86. On a commencé à ouvrir le dimanche également pour développer cette partie pâtisserie. Et ensuite j'ai pu développer l'entreprise de façon externe, à savoir le rachat d'entreprise de Mahalon donc en 95, qui comportait le magasin de Boncroix et le magasin de Gourlison en 99. Ce qui fait que l'entreprise a globalement a vu passer son effectif de 1 à 18 personnes quoi, en l'espace d'une petite dizaine d'années. Donc, bien sûr, parallèlement à ça, il a bien fallu s'organiser et puis assurer sa formation complète de chef d'entreprise, parce que le métier de boulanger, certes, il faut le connaître par cœur, mais aussi la gestion d'entreprise hein, qui est importante. Hein. Et en tant que, en plus, responsable de champ des métiers, j'étais bien placé pour savoir qu'il fallait absolument... faire une formation de gestion complète pour pouvoir gérer l'entreprise de façon correcte. Voilà.